Vie de Sainte Rita, par Mademoiselle Ferland, Québec, 1910. Troisième partie, Rita dans les cieux. Chapitre 1er, événements étonnants à la mort de Sainte Rita, ses miracles, efficacité de ses reliques, merveille à son tombeau. À peine Rita eut-elle rendu le dernier soupir, que la religieuse, qui l'avait constamment soignée, vit son âme bienheureuse s'élever vers le ciel, portée par des anges brillants de lumière. Au même instant, la cloche du couvent sonna bruyamment pendant que la cellule de la sainte était remplie de rayons lumineux. La plaie de son front répandait maintenant un parfum pénétrant et délicieux. La cicatrice brillait comme un joyau étincelant. Son corps, qui portait les marques d'une constante mortification, semblait rayonner d'une beauté surnaturelle. Non seulement son âme mais son corps même paraissait jouir de la splendeur des saints. À cette vue, les religieuses et les fidèles présents bénirent le Seigneur et invoquèrent la protection de Sainte Rita. La nouvelle de ces prodiges se répandit et une foule compacte ne cessa de vénérer la sainte dépouille et de publier ses vertus. Les obsèques devaient être célébrées le lendemain et pourtant, les multitudes ne cessaient d'arriver de toutes parts. Une parente de Rita dont le bras était paralysé depuis plusieurs années, arriva bientôt. Cette femme s'approcha du corps et entoura le cou de la sainte de son bras insensible. Au même instant, il recouvra sa sensibilité et sa force. Tout ému et transporté d'admiration, elle cria « Miracle !» et ce cri fut répété par mille bouches, pendant qu'elle baisait pieusement les restes de sa libératrice. Le corps fut transporté de l'humble cellule dans l'ancienne chapelle, promptement envahi par une foule impatiente, qui semblait ne pouvoir se lasser de regarder la sainte religieuse. On dut laisser le corps exposé durant plusieurs jours afin de satisfaire la piété et la curiosité des fidèles. Le but principal des miracles de Jésus fut l'établissement de sa religion et la confirmation de ses apôtres dans la foi. Même lorsque le royaume de Dieu fut établi, les miracles ne cessèrent pas tout à fait. Dieu voulut de temps en temps donner à son Église une marque distinctive qui rassura la foi ébranlée des fidèles. L'Évangile ne nous rapporte que quelques-uns des miracles de Jésus et proportion gardée nous ferons de même pour ceux accordés aux prières de Sainte Rita. Le 25 mai, un homme de Cassia, nommé Baptiste di Angelo ayant complètement perdu la vue entendit parler des miracles de la Sainte, et, plein de confiance, se recommanda à sa charitable intercession. À l'instant il fut guéri. Deux jours après, une femme, nommée Lucrezia di Paolo, souffrant d'une hydropisie depuis plusieurs années, pria près du corps de la bienheureuse avec une grande foi. Quoiqu'avancée en âge, elle put retourner chez elle complètement guérie. Quatre jours plus tard, une jeune sourde muette de naissance, nommée Maria di Angelo, de Rocca, vint, avec ses parents, vénérer le corps de Sainte Rita. Aussitôt elle entendit et parla. Quand la nouvelle du miracle se répandit, la miraculée dut monter en chair pour satisfaire la curiosité des fidèles. Elle prononça alors distinctement le nom de Marie et celui de plusieurs saints. Plein de reconnaissance, tous les assistants firent une procession au chant des cantiques. Le clergé s'y unit et au retour le frère Giovanni Paoletti fit un sermon. Plus de 40 miracles sont racontés dans les récits de sa vie, à part ceux qui servirent de base au procès de la canonisation. Le pouvoir de faire des miracles n'appartient qu'à Dieu. Cependant, en présence des merveilles qui s'opèrent au tombeau des saints, il est bien permis de croire que Dieu leur communique une parcelle de sa puissance. avant que le corps de Sainte Rita occupât le lieu de repos où on l'a mis depuis 1745, les religieuses avaient coutume de renouveler chaque année le voile qui le recouvrait, l'ancien ayant été divisé et distribué aux pieux pèlerins. Cette relique opéra plusieurs miracles. En voici un. Le 27 avril 1652, un incendie se déclara à la maison de Polidari de Narni et progressa rapidement. Sa femme, voyant tout secours humain puissant, se rappela qu'elle possédait un très petit morceau du voile miraculeux. Elle envoya sa fille le jeter dans les flammes, craignant que le vent ne l'enlevât, à cause de sa légèreté. La fillette l'attacha par un fil à une pierre et aussitôt qu'elle l'eut jetée dans les flammes, celles-ci s'éteignirent. On retrouva même la relique au milieu des cendres et des débris de toute nature. Dans sa foi si ferme, cette femme ne pouvait croire que la cause du miracle, la relique, fut devenue la proie des flammes. Plusieurs prodiges furent obtenus par l'application de l'huile qui brûle dans une lampe placée devant le tombeau de Sainte Rita. C'est la coutume chez les Augustines, depuis l'an 1500, de cuire de petits pains sur lesquels elles impriment l'image de leur sainte favorite. Dans le procès de canonisation, on affirme que ce pain a souvent été un remède efficace pour plusieurs maladies, principalement la fièvre. Ceux qui désirent honorer la grande abstinence de l'héroïque religieuse récitent un pater et un ave, mangent une parcelle de ce pain et reçoivent généralement le secours charitable de leur protectrice dans toutes leurs nécessités. Dieu voulait que le corps de celle qui avait partagé, dans sa chair, les douleurs de son couronnement d'épines, ne subit point la corruption du tombeau. On le vénère encore merveilleusement conservé. Durant un espace de 171 ans jusqu'en 1628, les yeux en étaient clos. Ils s'ouvrirent un jour qu'un office était célébré à l'église en l'honneur de la sainte. La conduite scandaleuse de quelques impies dans le saint lieu semblait l'avoir tiré de son long repos. Il se souleva pendant qu'un parfum délicieux remplissait l'église et jetait la terreur dans le cœur de ceux qui violaient le respect dû à la maison de Dieu. Plusieurs documents donnent la plus parfaite authenticité au miracle du parfum qui se répand dans l'église où le corps est conservé, dans le couvent adjacent et même dans les rues avoisinantes. Cette odeur pénétrante excite la dévotion, apporte la consolation aux malades qui ont remarqué que la grâce est généralement obtenue si le parfum se répand. Autrement, c'est un signe de refus. Durant la visite de la provinciale et celle de l'évêque de Spolète, le corps de la sainte fit plusieurs mouvements. Il s'est soulevé plusieurs fois dans son cercueil, mais d'une manière différente, quelquefois lentement. D'autres fois spontanément, mais pour reprendre ensuite sa position accoutumée. Une déposition assermentée, datée du 16 mai 1682, assure le fait, ajoutant que le corps a toutes les apparences de la vie, sans la moindre corruption, quoiqu'il n'ait jamais été embaumé. La signature de tous les principaux citoyens de Cassia confirme le miracle. Chapitre 2, culte perpétuel à Sainte Rita, sa béatification solennelle, quelques miracles plus récents. Trois siècles avant la mort de Rita, Alexandre III avait promulgué l'ordonnance dans laquelle il défendait de rendre un culte public à aucun saint personnage, sans l'autorisation du Saint-Siège. Mais à peine Rita eut-elle rendu le dernier soupir que les prodiges les plus grands s'opèrent. Aussi la confiance en son intercession s'étendit-elle de Cassia à toutes les villes voisines. Loin de diminuer, la dévotion s'accrut avec le temps et le couvent même de Sainte-Madeleine prit le nom de Sainte Rita. 8 ans après sa mort glorieuse, Le savant cardinal Girolamo Ceripando l'avait déjà placé sur la liste des saints de l'ordre des Augustins, et l'on voit que longtemps avant sa béatification solennelle, la piété des fidèles, encouragée d'ailleurs par des prodiges innombrables, lui décernait le titre de sainte. Les royaumes d'Espagne et Portugal se distinguèrent par leur zèle à répandre le culte de la bienheureuse Rita dans leurs colonies. On l'invoquait sous le titre de la sainte de l'impossible et la ville de Saint-Sébastien, au Brésil, demanda au pape Benoît XIII l'autorisation d'élever une chapelle sous le vocable de la bienheureuse Rita. Une tradition constante à Rocaporena nous fait connaître que la chambre de la sainte recevait sa lumière par une étroite fenêtre ou écoutille vitrée, dans la couverture, où les anges venaient la réconforter dans ses souffrances. Quand elle eut laissé pour habiter le couvent, son successeur, un prêtre du nom de Diamanti di Purfelis, dont le témoignage servit au premier procès de canonisation, essaya de fermer cette ouverture. Tous ses efforts furent vains et il constata que ni la pluie, ni la neige ne pénétraient par là, à l'intérieur. Une période de 170 ans s'écoula avant sa béatification solennelle. Durant cet intervalle, la face du monde avait changé 100 fois. Convulsion de la nature, royaume détruit, nouveau gouvernement, guerres entreprises exterminées, hérésies nouvelles, conciles, assemblées, entreprises apostoliques et, au-dessus de tout, la barre de pierre toujours sûre, inébranlable au milieu des assauts des tempêtes. C'est l'histoire de toutes les époques. Le Saint-Siège était occupé par Urbain VIII, ses vertus, son savoir et ses entreprises fameuses ont illustré son pontificat. Il avait gouverné l'église de Spolète et connaissait la vertu et les miracles de Rita. Dieu préparait ainsi les événements pour la plus grande gloire terrestre de sa fidèle servante. Les religieuses de Saint-Augustin unirent leurs prières pour l'engager à placer Rita sur les autels. Le 2 octobre 1627, l'ordre entier des Augustins et le diocèse de Spolète eurent le privilège de réciter l'office et de célébrer la messe en l'honneur de la bienheureuse Rita. La joie du peuple était grande, mais elle s'accrut à la béatification solennelle, le 16 juillet 1828 dans l'église de Saint-Augustin de Rome, en présence de 22 cardinaux et d'un grand nombre d'autres prélats. Le peuple de Cassia et les religieuses du couvent de Sainte Rita surpassèrent tout ce qui s'était fait ailleurs dans la magnificence de leur solennité. Le corps de la sainte sembla même s'unir à la joie générale. Il ouvrit les yeux pendant que l'église était parfumée de l'odeur la plus exquise, et se souleva à la hauteur du grillage, au sommet de sa châsse. Pour que rien ne troublât la tranquillité d'un si heureux jour, Sainte Rita délivra du démon deux femmes, dont l'une de Spolète qui en était possédée. Tout cela pourtant n'était que l'ombre de la gloire de Sainte Rita dans les cieux. Il serait trop long d'énumérer tous les miracles obtenus par les fervents admirateurs de la bienheureuse et consignés dans le récit de sa vie. Qu'il suffise d'en citer quelques-uns. Rosa Mazzi, qui fut plus tard sœur Anna Rita, du couvent des Augustines de Spello, souffrit d'abord de lésions aux poumons et vomit même de grandes quantités de sang. Une fièvre inflammatoire la saisit puis une maladie scrofuleuse qui la conduisirent aux portes du tombeau. Son confesseur, lui racontant un récent miracle de Sainte Rita, l'exhorta à la confiance. Elle fit un triduum fervent à la sainte. À peine était-il terminé, qu'elle était hors du lit et plus forte qu'auparavant. En 1886, un enfant de 4 ans tomba dans un brasier ardent, il se brûla cruellement et ses yeux surtout furent tellement atteints, qu'il ne pouvait les ouvrir. Sa mère affligée, consulta les sommités médicales, leurs soins empressés furent donnés sans succès. L'enfant restait aveugle, sans espoir de revoir la lumière. La pieuse femme mit toute sa confiance en Dieu qu'elle pria par l'intercession des saints. Une nuit, une religieuse lui apparut dans son sommeil, lui disant « Pourquoi ne vous adressez-vous pas à moi ?»« Qui êtes-vous ?» demanda la mère. « La bienheureuse Rita dont la statue est dans l'église de Cosmo. Je vous promets que si vous me visitez, les yeux de votre fils seront ouverts à votre retour. » À l'aurore, le lendemain la mère était dans l'église, priant ardemment. À son retour chez elle, son fils la regardait joyeusement. Il était entièrement guéri. La dévotion à Sainte Rita n'obtient pas seulement la guérison des corps, mais aussi le salut des âmes. Une jeune libre penseuse de Bari était mourante. Elle refusait de recevoir le prêtre. Ses parents, affligés, prièrent le chanoine Francesco Perini, de passage en cette ville, d'aller la voir pour l'exciter à penser à son âme. Elle le reçut mal, il partit en disant « Je venais simplement vous faire une visite et vous apporter un soulagement à votre mal. Si vous avez un remède, vous êtes le bienvenu. » Par une permission de Dieu, il avait sur lui une petite image de la sainte, il l'offrit à la malade et ajouta « Si vous avez recours à la sainte des impossibilités, vous serez sauvé. » Au lieu de se mettre en colère, comme elle l'aurait fait auparavant, elle accepta l'image bien volontiers et la mit sous son oreiller. Le prêtre était à peine sorti qu'on le rappela parce que la malade voulait se confesser. Elle reçut le saint viatique et l'extrême onction et mourut en paix. Le 28 juin 1895 couronne tous les prodiges que la sainte des causes impossibles a obtenus. Un médecin, nommé Pascal Etateo de Nossi, aussi religieux qu'habile en son art, fut soudainement frappé d'une congestion cérébrale et réduit à la dernière extrémité. Après qu'on l'eût enduit de l'huile prise dans la lampe brûlant devant le tombeau de Sainte Rita, il put bouger, puis recouvra complètement ses sens et continua à glorifier sa bienheureuse libératrice et soigner les pauvres. Il a donné, signé de sa main, un récit complet de sa guérison miraculeuse. La petite fille de Sebastiano Gianulli, marchand, demeurant à Bari, souffrait depuis sa première année d'une tumeur au genou. Les médecins consultés eurent des opinions différentes, mais le célèbre docteur Giuseppe Luciana déclara qu'elle souffrait de la carie des os et ordonna une opération chirurgicale. Les parents consternés firent une neuvaine à Sainte Rita. L'opération eut lieu le 22 juillet 1897. Le tibia dont on avait enlevé une longueur de 4 pouces, était presque entièrement séparé de la cuisse et la rotule était complètement déplacée. Voyant les difficultés que présentait l'opération, les médecins qui doutaient du succès, déclarèrent que l'enfant souffrirait beaucoup. En effet, si extrême était sa faiblesse, qu'elle ne pouvait se faire comprendre. Le lendemain, pourtant, elle pria qu'on lui donnât une image de Sainte Rita qu'elle voyait suspendue au mur, et commença à parler ainsi. Ô Sainte Rita, accordez-moi ma guérison, je souffre tant. Il est vrai que j'ai été ingrate, parce que pendant que les autres priaient, j'étais distraite. Je reconnais que j'ai eu tort et vous demande pardon. Ô exaucez-moi, bonne sainte. Elle dit à ceux qui l'entouraient, éloignez-vous, elle vient. Qui? Une religieuse. D'où vient-elle? De la porte, et elle la montrait. Que fait-elle? Elle vient s'asseoir près de moi. L'enfant alors ne bougea plus, semblant écouter les paroles de quelque être invisible. Bientôt, elle ajouta, « Voyez comme elle a bien arrangé mes jambes. Elle y a mis sa belle main et m'a soulagée. Ne pleurez plus. Ne voyez-vous pas comme je suis heureuse? La bienheureuse Rita m'a dit que dans 3 jours, je serai guérie. Je pourrai alors sauter, danser et courir sans peine. Il arriva ainsi. L'enfant put se lever, sa jambe ne portait aucune cicatrice. Il faut remarquer surtout que sa jambe droite, dont on avait enlevé une partie des os, avait la même longueur que la jambe gauche et était aussi souple et saine. Reconnaissant pour un si grand miracle, les parents firent avec leur fillette un pèlerinage à Conversano et montrèrent les jambes de l'enfant à ceux qui doutaient du prodige et rendirent de solennelles actions de grâce à la sainte des causes impossibles. En 1745, un pieux client de Sainte Rita offrit aux Augustines une châsse magnifique et la translation de la Sainte Relixifie solennellement en présence de l'évêque de Spolète. Mais le jour était arrivé où une gloire plus complète devait auréoler le front de celle qui avait mérité de partager la couronne d'épines du Sauveur. Chapitre 3. La canonisation de Rita, miracle du procès de canonisation, conclusion. En lisant quelques-uns des miracles si nombreux, si éclatants et si assurés, accomplis par Sainte Rita, plus d'un lecteur s'est demandé comment il se fait que plus de 4 siècles se soient écoulés avant qu'elle ait reçu les honneurs des autels. La seule réponse plausible est que les voies de Dieu sont impénétrables. La divine sagesse qui fait que les causes produisent leurs effets en leur temps et qui règle toutes choses, voulut que l'exaltation de sa servante fût proclamée en un temps la plus grande gloire de l'Église et le bien spirituel du prochain le demandait. Le procès de canonisation, commencé en 1738, fut interrompu par divers événements et ne fut repris qu'en 1851. En février 1896, la Sacrée Congrégation des Rites rendit son jugement sur la validité des 2 procès de 1626 et 1892. Enfin en 1899, la même congrégation discuta les 3 miracles choisis pour le procès de canonisation. Le dimanche des Rameaux, 8 avril 1900, le souverain pontife Léon XIII, après avoir offert à Dieu le sacrifice eucharistique, approuva, avec toute la pompe habituelle, le récit des 3 miracles examinés. Il béatifia ensuite 73 vénérables franciscains et dominicains, martyrisés au Tonkin, en Chine et en Cochinchine. Sa sainteté daigna alors manifester la joie qu'elle ressentait à glorifier celle qui fut l'ornement de l'ordre des Augustines, le joyau de Lombardie, patrie de Saint Benoît et de Saint François, où il avait lui-même exercé le ministère pastoral. Sa joie était d'élever sur les autels une humble et sainte femme qui n'avait eu de remarquable que l'héroïsme de ses vertus. Comme pontife suprême et vicaire de Jésus-Christ, il fit des vœux pour que la merveilleuse odeur qui s'exhalait des restes bénis de Sainte Rita se renouvelât comme un heureux augure à l'aurore du nouveau siècle. Les 3 miracles du procès sont les suivants. Le premier fut celui du parfum qui se répand autour de Sainte Rita, surtout lorsqu'un miracle est accordé à ses prières. Le second fut celui-ci. Elisabetta Bergamini avait souffert de la petite vérole, d'une façon si terrible, que toute sa figure était sillonnée de rides profondes et que ses yeux avaient disparu. Plusieurs médecins consultés la soumirent à divers traitements pour lui faire recouvrer la vue, mais toujours inutilement. Elle fut alors mise comme pensionnaire au couvent des Augustines de Cassia, où la sœur de son père, sœur Marie-Madeleine, était religieuse. Cette dernière était chargée de prier le Seigneur, avec le secours de Sainte Rita, de la guérir ou de l'enlever du monde. Arrivée au couvent en 1833, elle fut l'objet des soins dévoués des bonnes religieuses qui consultèrent leur médecin. Celui-ci confirma l'opinion de ceux de Terni, la déclarant incurable, à moins d'obtenir un miracle. La pauvre enfant souffrait beaucoup de la lumière du jour et portait constamment de morceaux de soie verte au-dessus des yeux. Ceux-ci émettaient avec des larmes, des flots d'humeur si corrosifs qu'ils creusaient des sillons sur ses joues et exhalaient une odeur insupportable. Pour lui donner quelque soulagement, les religieuses lui lavaient les yeux avec une décoction de mauve, mais elle souffrait horriblement, car il fallait lui soulever la paupière, en tenant les cils. Les sœurs eurent l'inspiration de lui faire porter une robe noire en l'honneur de Sainte Rita. Cette robe avait été bénite et avait touché au reliquaire de la sainte. On fit ensuite une onction sur ses yeux avec une baguette qui avait approché le front de Sainte Rita. On s'aperçut alors que les humeurs diminuaient. Un matin, les religieuses étaient au champ à choisir les grains qui devaient servir à la confection des petits pains de Sainte Rita. On amena Elisabetta qui se mit à jouer avec des grains qu'elle mettait dans une tasse. Bientôt, l'enfant choisit, sans se tromper, les bons avec les mauvais et, soudainement, elle cria qu'elle voyait, mais qu'elle ne savait pas lesquels elle devait conserver. Elle arracha alors les bandages qui lui cachaient la lumière et les religieuses étonnées virent ses beaux yeux entièrement guéris. Pour l'éprouver, elles mirent des grains différents dans un vase et la firent choisir, ce qu'elle fit parfaitement. Elles allèrent toutes se jeter aux pieds de Sainte Rita et l'enfant vit pour la première fois le corps de sa bienfaitrice. Elle la remercia à haute voix, en pleurant de joie. Elisabetta demeura au couvent pendant 3 ans et elle jouit toujours d'une vue forte. Elle apprit à lire, à écrire, à coudre et s'acquitta de tous les travaux féminins qui nécessitent une bonne vue. Un médecin de Rome attesta cette guérison miraculeuse par serment et se regarda comme obligé de la faire connaître, ajoutant que ce serait un cas de conscience que de cacher ce prodige ou chercher à l'atténuer. Troisième miracle. Cosimo Pellegrini de la ville de Conversano, province de Bari, tailleur de son état, avait 50 ans lorsqu'il fut atteint de troubles d'esprit, perte de force dans tous ses organes, à tel point qu'il devint presque aveugle et tellement sourd qu'on le faisait difficilement entendre. Il souffrait de désordre d'estomac et avait de fréquentes hémorragies. Il avait de plus des attaques de vertige qui le jetaient à terre où il subissait des contractions musculaires horribles à voir. Au lieu de consulter un médecin sur son état lamentable, il voulait se guérir lui-même et, suivant ses propres caprices, il prenait force médicaments. L'anémie chronique le cloua sur son lit et la vie lui devint à charge. Le 22 mai 1877, fête de Sainte Rita, il avait pu aller entendre la messe au couvent de Cosmo. S'agenouillant à l'autel de la Sainte, il avait prié avec une grande ferveur. Mais en retournant chez lui, il tomba sur le sol privé de sentiments. On le mit au lit et le médecin appelé, lui fit administrer les derniers sacrements. Il passa 2 jours dans cet état, pâle et sans mouvement comme un cadavre. Tous étaient d'avis qu'il ne verrait pas le soir du 3e jour. Une sœur de sa femme, religieuse au couvent de Cosmo, fit prendre de ses nouvelles. On lui répondit qu'il était à l'agonie, la priant de faire brûler une lampe devant l'autel de Sainte Rita et de solliciter les prières de la communauté. 1 heure se passa. Le malade, sortant tout à coup de sa léthargie, remua les bras, ouvrit les yeux, appela sa femme et d'une voix forte, criant « Je suis guéri, Sainte Rita m'a rendu la santé ». Il raconta que la sainte religieuse lui était apparue, l'avait touché au front, aux épaules, à la poitrine, l'assurant qu'elle le guérirait, qu'après un ou deux jours de faiblesse, il serait parfaitement bien. Tous ses voisins voulaient le voir pour s'assurer du miracle. En effet, le lendemain il se leva, mangea et digéra sa nourriture comme une personne de santé robuste. Il ne restait pas la moindre trace des maladies chroniques dont il avait souffert quoiqu'il eût 70 ans. Ceux qui avaient eu pitié de ses tortures le revoyaient avec étonnement plein de force et d'esprit. Comment ne pas entonner un cantique de reconnaissance à la sainte des impossibilités? 10 ans après, âgé de 80 ans, il fut examiné par des médecins qui constatèrent qu'il jouissait d'une santé vigoureuse. Conclusion. Voici le but atteint, le récit terminé, et quelque long qu'il vous ait paru, ami lecteur, vous ne manquerez pas de jeter un regard en arrière, comme font les voyageurs après un passage difficile. Vous considérerez les difficultés et la rudesse du chemin que Rita a parcouru pour atteindre au but sublime. Ce n'est pas une curiosité banale qui vous a fait tourner le dernier feuillet. Vous avez voulu voir se dérouler devant vous les sentiers escarpés qu'elle a gravis. Vous avez été témoin de l'assistance efficace qu'elle a reçue, durant sa vie, par l'intercession de notre saint patron national, Saint Jean-Baptiste. Faisons l'expérience de la puissance de son secours pour que le culte de l'Eucharistie s'établisse dans toutes les paroisses canadiennes où il est quelquefois un peu négligé. Sachons préserver notre foi de toute atteinte corruptrice, et, pour cela, pratiquons les vertus dont Rita nous a donné un exemple héroïque, la mortification et la prudence. Oraison de Sainte Rita. Ô Dieu qui avait daigné accorder à Sainte Rita une si grande grâce, qu'elle a aimé ses ennemis, et qu'elle a porté dans son cœur et sur son front les signes de votre passion, accordez-nous, nous vous en supplions, par son intercession et par ses mérites, de pardonner aussi à nos ennemis, et de contempler les douleurs de votre passion, afin que nous obtenions les récompenses promises à ceux qui sont doux et à ceux qui pleurent. Vous qui vivez avec Dieu le Père en l'unité du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Prière traduite du bréviaire romain et due à l'obligeante bonté du révérend Père Aliquet, OMI. Marc M. Dan, archive.org, licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.